et bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde. Il est 10h, on est le jeudi, je sais pas, on est combien ? Jeudi 6 et il est 10h03, Camille. D'accord, merci, oui, nous sommes en retard. Donc vous êtes dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par Les Mondes d'Utopie. Avec moi, nous avons Nanou, Steph et Mounir. Comment allez-vous ? Coucou ! Très bien, merci, coucou ! Ça va bien, ça va bien. Bon, bah tant mieux. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire quoi ? Nous allons vous proposer un programme assez éclectique, disons. On va commencer par une petite session Pays de l'Est. Ensuite, on va se déplacer vers le Brass Band pour finir sur un... Une petite chronique sur un label qui s'appelle Nos Formats. Nos Formats, merci. J'avais pris des notes et je les ai déplacées. Voilà. Alors Nanou, t'as envie de lancer le truc ? Eh ben vas-y, je lance. Allons-y. Donc dans la continuité de ma rubrique jeunesse, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de musiques traditionnelles qui ont bercé et qui bercent encore les générations des enfants des pays de l'Est et tout particulièrement les enfants du peuple rom. À savoir que dans la culture rom, la famille est l'unité de base sociale et la solidarité une valeur essentielle de survie. Les enfants y sont donc intégrés très jeunes, ils sont intégrés à la vie du groupe et s'approprient ces chansons pour s'inscrire dans l'histoire commune et intergénérationnelle de leur peuple. Les Roms ont su adapter avec génie les musiques traditionnelles des pays qu'ils ont traversés au fil des siècles, réalisant ainsi un véritable métissage entre musique hongroise, russe, roumaine, grecque et turque. Ces berceuses, comptines et chansons à danser que vous allez entendre invitent les gadgets que nous sommes à vivre l'instant présent à la manière tzigane. Et on va commencer. Donc, nous allons commencer par une petite berceuse hongroise. Je vous en dirai un tout petit peu plus après. C'est parti avec Kelesh Kelesh. On écoute. Trovento cade diares Alors, une petite description de Kélesh Kélesh que l'on vient d'entendre. Elle est originaire du nord-est de la Hongrie, où les musiciens amateurs utilisent et mêlent les ustensiles ménagers à leur voix, comme ici des cuillères. J'espère que vous avez entendu la petite percussion de cuillère en bois derrière. Bien sûr, la cuillère tout de suite. Oui, tout à fait. Et pourquoi ? Eh ben, parce que les instruments coûtent très cher. Et donc, ils utilisent aussi, entre autres, des cruches en fer et le pétrin. Donc, le pétrin, je crois que c'est pour faire le pain. Probablement. Un truc en bois aussi. Mmh. Et dans cet arrangement, on a pu entendre du violon, le cymbalum, du coup, qui est une sorte de piano sans son couvercle, et sur lequel on tape avec des petits bâtonnets sur les cordes du piano. Du oui, qui est un instrument traditionnel. De la musique. Mmh. On entend aussi l'accordéon, la contrebasse et la guitare. Voilà. Maintenant, je vous propose une deuxième immersion dans les musiques traditionnelles des pays de l'Est, donc chantées en langue romani et russe, Seni Buditi. Et je vous en dirai un petit peu plus après. Allons-y. Pojdanie budicie, tu me mal maladova, pojda pa kasonishka, roma le ne zadio. Sonishka Roma le nezadio. Cette magnifique berceuse que vous venez d'entendre est chantée partout en Russie et est considérée comme l'hymne des Roms en Russie. Et pardon, Nanou, pardon. Il y a aussi une très belle version de cette chanson de Lhasa dans un des albums de Bratsch, qui est aussi superbe et qui est, elle, juste en rom, hein, mais alors, pas en russe. Ouais. Je suis d'accord, je l'écoutais, mais elle était très triste. Et en fait, Lhasa, elle la chante avec un ton qui tire vers le bas, quoi. Et là, j'avais pas envie. Ok. Donc, je reprends après cette petite parenthèse. Nibuditi, du coup, est tiré du répertoire du théâtre romaine de Moscou, qui contribua à faire connaître un grand nombre de chansons d'auteurs roms. Le théâtre romaine a été le premier et pour longtemps le seul théâtre tzigane au monde. Voilà, donc cette chanson est tirée d'un répertoire théâtral rom qui est basé à Moscou. Voilà, voilà. Et je voulais rajouter une petite chose, c'est que les Roms sont surnommés les fils du vent et ils évoquent un esprit, un fort esprit de liberté qui est très étranger aux peuples occidentaux. Ils ont été traités de voleurs de poules et tout et tout parce qu'ils sont libres. Et du coup, le répertoire traditionnel rom raconte avec légèreté et vivacité toute l'histoire et la réalité de ce peuple qui, de tout temps, ont rempli leurs violons de larmes et de rires, comme on disait Stéphane pendant la chanson. C'est beau, que les violons, ils pleuraient. Oui. Voilà. C'est beau. Alors, maintenant, une nouvelle chanson, Oushti Oushti Baba. Donc, Oushti Baba, c'est une chanson traditionnelle de Macédoine. Je fais le petit descriptif avant la chanson cette fois-ci, qui est chantée lors des cérémonies de mariage, lorsque la dot de la mariée sort de la maison familiale pour rejoindre celle du futur couple. Et moi j'adore les paroles parce que Oushti Oushti Baba ça veut dire debout debout papa, les tambours résonnent papa, et puis là papa il faut que tu sortes la dot quoi. Allez bah papa oui. Tu sors la dot, il y a la plus jeune qui se marie. Allez, à boule de fric, quoi. Bah oui. Et donc, Oushti Baba, ça parle de, voilà, allez, papa, lève-toi, faut que tu sortes la dot, là, il est l'heure, il faut que tu laisses la plus petite partir. On voilà, écoute. C'est parti pour Oushti Baba. Allons-y. Et ta dot, oui. Il a payé ou pas? Ah bah j'espère qu'il a payé le daron, hein, sinon la... sinon il rentre ça à la maison. Et on suit maintenant avec une magnifique berceuse que Joseph Balog a écrit pour sa fille Sabina. Donc Joseph Balog fait partie du groupe tzigane hongrois Kalidjag qui basé sur des musiques traditionnelles en modernise les interprétations pardon, témoignant ainsi de l'évolution de la musique tzigane. Donc là je vous fais découvrir une musique que j'adore, chantée en langue romani, Moriché. C'est parti. C'était Moriché, donc qui veut dire ma fille en langue romani, de Joseph Balog du groupe Kalidjag. Et on va terminer avec Djelem Djelem, qui est devenu l'hymne officiel de la population rom lors du premier congrès mondial romani à Londres en 1971. Issu d'une mélodie traditionnelle, le texte fut écrit par Zarko Jovanovic. Et le texte est assez tragique, du coup, car il a été écrit après la déportation de sa famille à Auschwitz. rappelant ainsi le lourd tribut payé par la population rome lors de la Seconde Guerre mondiale. Et une fois devenu l'hymne officiel, le chant fut repris par multiples artistes et chacun l'aménage à sa guise et parfois il en devient même méconnaissable. Voilà, donc là j'ai choisi une version d'Esma Redzepova qui est considérée comme la reine de la musique tzigane et qui a été une des premières personnes, même pas femme, mais déjà c'est une femme, et en plus ça a été une des premières personnes à chanter en langue romanie à la radio vers les 1950. Ah oui, on avait déjà parlé une rubrique sur Esma Redzepova. Ouais. Et donc Esma Redzepova est accompagnée de Bratsch, d'un groupe qui fait honneur et qui met en valeur les musiques des pays de l'Est, voilà, et comme je viens de dire, qui participe à la reconnaissance et à la popularité actuelle de la musique tzigane. C'est parti avec l'hymne national du peuple rom, Djelem Djelem. Eh bien voilà, avec Djelem Djelem, ma rubrique touche maintenant à sa fin. Je voulais préciser que en fait, je vous ai passé des musiques traditionnelles. Je vous ai, pardon Camille, je me mets bien en face du micro. Merci Nadou. Je vous ai passé des musiques traditionnelles parce que, comme je l'ai dit à l'origine, la famille étant l'unité de base sociale, du coup, les enfants y sont intégrés très jeunes. Donc, sont intégrés très jeunes à la communauté et à la vie du groupe, et c'est comme ça qu'ils s'approprient ces chansons pour s'inscrire dans l'histoire commune. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre l'enfant et l'adulte, entre la communauté et l'enfant. Dès sa plus jeune enfance, en fait, la personne, elle est bercée avec toutes ces musiques traditionnelles. Excusez-moi, 10h30, 10h29, pour encore bien réveiller. Et un grand merci aux éditions Didier Jeunesse, grâce auxquelles j'ai pu faire cette belle découverte qui est une véritable malle au trésor des contes et des musiques du monde pour enfants. Ah, bon à savoir. Et là, je vous en ai passé vraiment qu'un tout petit extrait. Et à part Djelem Djelem, des peu connus, du coup, parce que je voulais vraiment que ce soit une découverte pour vous. Voilà, je peux merci passer mon tour. Donc vous êtes toujours en direct de la radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes d'Utopie. Et ce coup-ci, on part des pays de l'Est et nous allons rejoindre Mounir avec sa chronique. Bien le bonjour à tous. Alors du coup, moi je vais parler d'un petit boa qui s'appelle Boa Brass Band. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un brass band? Ça, c'est mais la oui. vraie question. Mais qu'est-ce donc? Alors du coup, un brass band, c'est un ensemble musical composé d'instruments de la famille des cuivres et d'une section plus ou moins importante de percussions. Il se distingue de la fanfare par son instrumentarium, son effectif, son répertoire et sa zone géographique. Instrumentarium, c'est un ensemble d'instruments utilisés pour une œuvre. D'accord. Si jamais. Et du coup, actuellement, il y a deux archétypes de principaux de brass band. Il y a celui-là de type New Orleans ou Dixieland, souvent de dimensions plus réduites, datant du début du XXe siècle. Et voué au jazz, il comporte parfois des instruments de la famille des bois, comme le saxophone ou la clarinette, mais aussi des instruments de la famille des cordes, comme le banjo, ou la guitare, ou la basse, ou la contrebasse. Après, il y a un autre type, c'est le type britannique, très orchestral, datant du XIXe siècle, possédant un effectif instrumental assez précis et un répertoire spécifique, et surtout répandu dans le Royaume-Uni et ses anciens colonies. Mais d'autres pays aussi l'ont adopté. Voilà un petit peu la présentation d'un brass band. Après, il faut savoir que aussi on peut appeler un brass band, on peut l'appeler une fanfare, même s'il y a quand même une... ça a appelé comme ça, mais il y a quand même une différence. Du coup, je vais passer à la présentation de ce petit groupe qui s'appelle Boa Brass Band. Mais du coup, la question c'est, qu'est-ce que le Boa Brass Band? Mais Mounir, mais dis-le nous, enfin. Voilà, le Boa Brass Band, c'est un collectif fort prometteur. Boa Brass Band est composé de 7 musiciens nantais, emporte chaque fois sur son passage les spectateurs dans un rythme endiablé et des chorégraphies délirantes, avec l'envie de délivrer une musique à la fois festive, exigeante et pleine de curiosité. Cette fanfare gonflée à bloc propose un palacher de reprises et de compositions originales, savamment orchestrées, en faisant appel aussi bien au ska, au jazz, aux musiques balkaniques et aussi à la musique classique, passé par d'un swing acharné à la 25e symphonie de Mozart, version fanfare, et qui mérite qu'on lui tende l'oreille. Aussi bien à l'aise sur scène que dans la rue, près du public, différentes formules sont proposées. C'est 7 musiciens talentueux et déjantés qui parfois peuvent s'entourer d'une contorsionniste et de circassiens. Du coup, je vais présenter un premier album qui s'appelle Amadeus. Et du coup, je vais vous présenter une première musique qui s'appelle Amadeus, qui a été fait en 2014. Il faut vous préciser qu'ils ont leur propre label qui s'appelle Boa Prod. Et je vais vous présenter Amadeus. Allons-y, c'est parti. C'est... Ah, Nanou, tu as quelque chose. Mais du coup, Amadeus Mozart, c'est un hommage. En fait, c'est un hommage. C'est vous allez que entendre que y a c'est vraiment sa part. Et en parlant des deux types de brass band, j'ai posé la question à un des saxophonistes. Il m'a dit, pour savoir, le mieux c'est d'écouter. Ah. Eh bien, on écoute. Alors, écoutons. Oui. Thank you. C'était l'album Amadeus, le titre Amadeus de Boa Brass Band. Du coup, quelques petits mots pour présenter cet album. Amadeus est un jeu de mots inspiré du célèbre surnom de Mozart. C'est la concrétisation d'un travail dynamique et créatif de la fanfare Boa Brass Band. Cet album mêle plusieurs styles musicaux, à savoir ska, jazz et de la musique des Balkans, mais aussi du rock ou encore de la musique classique. Les influences diverses des musiciens apportent beaucoup de fraîcheur et d'originalité au groupe. Ce métissage varié vous transportera dans un univers festif où se mélangent rêve et réalité, loin de tout courant. Du coup, je vais vous présenter une autre musique qui s'appelle Biscornu. C'est parti. J'envoie direct, allons-y. Yes, c'était la musique Biscornue de Bois Brass Band. Du coup, je vais vous présenter un deuxième petit album. Ça s'appelle Bois Brass Band. Il a été fait en 2019. Du coup, après la sortie en 2014 de son premier album Amadeus, rendant hommage à Mozart, et après 4 années de dur labeur et de travail acharné, d'aventures incroyables et de concerts exceptionnels, la fanfare Bois Brass Band revient enfin pour partager son premier récit instrumental et raconter ses plus beaux voyages et ses plus belles rencontres. Voici le Bois Brassland de tout l'univers des bois concentré dans 14 titres. Vous pourrez y trouver petit à petit dans l'histoire, rencontrer la rencontre avec les Balkans, leur passion avec le jazz et la musique de la Nouvelle-Orléans, leur amitié avec la musique africaine et le flirt avec le ska jamaïcain, leur débauche avec le rock'n'roll et la colère avec le métal progressif et leur réconciliation avec le chant. Du coup, je vais vous présenter une petite musique, c'était Bois Brassland, et je vais vous présenter une petite musique qui s'appelle Fekata. Entre parenthèses, la pochette de l'album est magnifique. Oui, la pochette de l'album est magnifique. J'aime et ils sont magnifiques aussi. Oh, tout est magnifique alors. Mais toi aussi, Camille, tu es magnifique. Merci Mounier, t'as un amour. Allez-y. Et c'est parti. Yes, c'était Fekata. Je vais vous présenter une autre musique. Ça s'appelle Mario Bras. J'adore le petit jeu de mots qui est assez rigolo. Et c'est un featuring aussi avec Ricky Ford, un saxophoniste connu. Et je vous laisse. Et puis un bon pote à eux. Du coup, je vous laisse découvrir ça. C'est parti. Bonne écoute. C'était les copains de Boa Brass Band, voilà. Fini pour ma petite rubrique, je vais laisser la main à Divoire. Où est-ce qu'on peut les trouver? Ils ont un site pour le label? Ouais, ils ont un site internet, on mettra les liens sur le podcast, avec le podcast de la radio. Super. Et voilà, n'hésitez pas à aller vous faire un petit tour. On achète leur disque. Comment? Exactement, n'hésitez pas. Parfait. Ils sont pas chers. Du coup, on est toujours en direct sur la radio Gémozo pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes de l'Utopie. Et c'est l'heure de la blague à Mounir, tiens. Tchik-tcha, tchik-tcha. Alors, la petite blague, c'est quelle est la différence entre un artiste et un oignon, les copains? Un artiste et un oignon. La nouvelle est morte de rire. Il y a un truc pleurer, quelque chose. Peut-être. Ils se pèlent aussi, les artistes, des fois, dehors. Ah, il y a une bonne piste là. Eh bien, non. En fait, personne ne pleure quand on découpe l'artiste. En plus, c'est de circonstances. Hein. Voilà, voilà. Et voilà, c'était la petite blague. Très bien. Et ben maintenant, on va laisser la place à Steph pour sa petite chronique. Ben oui, merci. On va parler du label No Format, puisqu'on est sur cette continuité à propos des labels. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le label No Format. Pas du tout. Pas du tout non plus. Ça non vous plus. Dit quelque chose? Ça existe depuis 2004, depuis 15 ans. C'est un certain Laurent Bizot qui travaillait auparavant chez Mercury et Universal. Bouh. Grosse boîte. Grosse très très grosse boîte, trop grosse boîte selon lui, puisqu'il en est parti. C'est une sorte de repenti, si on veut, des majors. En réalité, Laurent Bizot, il n'était pas directeur artistique chez Mercury, il était juriste. Mais c'est dans son expérience de juriste qu'il s'est rendu compte que la musique s'était un petit peu fabriquée au kilomètre dans les majors, et que surtout, il n'y avait pas la place pour des artistes un peu moins conventionnels, un peu moins formatés. Le nom No Format vient de là. En fait, Laurent Bizot, il s'est dit, il n'y a pas la place pour la musique que j'aime. Donc, il a monté ce projet. Il a monté ce projet un petit peu dans l'esprit de Peter Gabriel dans les années 80 avec Real World, c'est-à-dire on va prendre les musiques entre guillemets ethniques et puis on va les fusionner avec des musiques modernes, on va les fusionner aussi entre elles. En fait, on va appeler les gens à se rencontrer pour faire de la musique. Donc c'est ce qu'il appelle aussi la pensée glocale. Alors glocal, avec le petit mot local, c'est pas mal, c'est génial. Glocal. Ouais, c'est glocal, c'est global et c'est local. Yes. Donc le local se met au service du global et le global se met au service du local. Donc on peut faire des choses ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire du label, il y a d'abord des histoires de rencontres. Je vous parlerai de la toute première rencontre qui a lancé le label, mais dans l'immédiat, on va écouter Pierce Faccini et Vincent Segal. Pour une reprise que vous reconnaîtrez peut-être, du moins pour ceux qui aiment La Réunion. Allons-y. Ah, allons-y. Ni sa su chemin, ni wa coco. Côté d'Otilien partout mi ça va, tout ça mi comprend pas. L'intro a dit Watia, tout loi dit Watia, tout ça doit dit Watia. Qu'il est où là non, oh, qu'il est où mon frère? Oh, qu'il est où la grandi, vraiment les misères? Deux, trois nains à plein, deux, trois n'a point. Pourquoi au moins il pleure? Car il n'a point pour le cœur. Car il n'a point pour le cœur. Car il n'a point pour le cœur. Oh, qu'il est où là-dedans? Oh, qu'il est où bonheur? Même les dieux m'a chanté, même les dieux m'a chanté. Oh, qu'il est où là-dedans? Oh, qu'il mon frère. Voilà, c'était ce duo entre Vincent Segal et Pierce Faccini. Alors, Vincent Segal, peut-être le connaissez-vous, c'est celui qui maltraite son violoncelle, qu'il transforme tantôt en contrebasse de blues, tantôt en scie gémissante pour faire traduire les souffrances porteuses d'espoir des textes d'Alain Peters. Pour le chant, c'était Pierce Faccini. Pierce Faccini, un chanteur assez connu, enfin, disons qu'il chante depuis longtemps, connu de l'underground, on va dire un petit peu, mais enfin, qui a une production assez foisonnante. Alors ces deux musiciens jouaient déjà depuis des années ensemble lorsque No Forma leur a demandé de produire un disque. Ils voulaient en fait matérialiser ce qu'ils faisaient. L'objectif de départ de leur collaboration n'était pas le disque, c'était de s'amuser, de créer, de rendre hommage aussi à un répertoire commun comme avec Alain Peters, où en fait on sent qu'il y a un potentiel plus que ça, parce que déjà la version originale d'Alain Peters pardon, est excellente, mais il y a une âme. Donc c'est retrouver cette âme au travers du jeu, avec la patience qu'on peut avoir envers un morceau qu'on vénère. Toujours affaire de collaboration, toujours affaire de rencontre. Maintenant on va passer à la kora. Alors la kora, l'instrument malien, avec Balaké Sissoko. Balaké Sissoko qui vient de sortir un disque chez No Forma, naturellement, Djourou. Alors sur ce disque, on retrouve aussi cet esprit de rencontre, puisque sur les 8 morceaux du disque, il y a 6 duos. Il y en a un notamment avec Camille qu'on entend à la radio, enfin que j'ai entendu à la radio, un autre avec Oxmo Puccino, un autre avec Salif Keïta. Lourd. Ouais. Ah ouais. Oui, un autre encore avec Pierce Faccini, et celui que je vous propose d'écouter, c'est avec Sona Jobarrette, dont je vous parlerai après le morceau. Ah, eh ben j'ai un petit problème parce que je n'ai pas le morceau devant moi là. Alors c'est dans la playlist en fait. Si tu continues la playlist. Ah, j'ai fermé l'histoire. Ok. Alors une petite blague Mounir pendant que on remet les trucs. Alors moi j'en ai une. Ah bon ben Nanou, vas-y sauve-nous. Que dit un reggaeman quand il arrête de fumer des joints? Ah celle-là je la connais mais je te laisse faire la réponse. Omer Diallo. Mais c'est quoi cette musique de merde? Moi je l'adore. Bon elle s'applique à d'autres styles hein, voilà. Aussi. Hein. Pour ceux qui écoutent le reggae, ne prenez pas ça personnellement. Hein. On aurait pu le faire pour le punk oui. Ou pour alors la en fait on peut dire aussi, mais que dit un punk quand il arrête de boire de la 8-6? Ah oui, ça putain, quitte... mais ça a quitté tous ces chiens! C'est génial! Alors, ils sont encore en recherche, Mounir. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Ah si, vas-y, on sort une petite blague. Bah moi, j'ai pas de petite blague en stock. Tu vois, j'ai un peu de tout donné. Mais je crois que le problème technique est résolu. Oui, ça y est. Donc, c'est parti. Alors, on écoute Balaké Sissoko. C'est parti. Thank you. Sona Jobarrette joue de la kora, comme Baleke Sissoko. Sona Jobarrette est griotte, ou presque, c'est-à-dire qu'elle descend d'une dynastie de griots d'Afrique de l'Ouest, ces musiciens et conteurs très importants dans la culture de cette région. Ils se transmettent et transmettent à leur communauté, de génération en génération, l'histoire et les mythes de leur civilisation. Sona Jobarrette a hérité de cela, même si elle est née en Angleterre. Ses parents, gambiens, lui ont transmis l'art de la kora et de ses 21 cordes. L'ont fait koriste, si on veut. La légende dit que la première kora appartenait à une femme génie. Un homme la lui confisqua, et depuis, dans la famille de Sona, tout du moins, aucune femme n'en joua plus jamais. Jusqu'à Sona, donc, aujourd'hui. Encore l'Afrique maintenant, mais pas seulement, avec le trio Toto, Bona, Lokua. Allons-y. Si moi aimer depuis nanina non, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour toi. Oh non non, les mots qu'à songer on peut pas attendre. C'est au moins qu'attends ma maman de tout côté ça. Il monte qu'à moi mite quando vi moglie ma. Il sort de mon lèvre ma tienne quando vi moglie ma. Il cala voti l'autre quando bambe moglie ma. Il est l'autre et nous t'en les mots qu'à songer, on peut pas attendre. Tout corps au moins qu'à m'en desserrer. Les mots qu'à wear, c'est au moins qu'attendre. Tout doumi, c'est ça. Bona, Lokua, donc c'est le trio qui a été à l'origine du label, enfin disons c'est la première référence de la discographie du label. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est un trio vocal, c'est-à-dire que dans le morceau qui vient de passer qui s'appelle Mamama, il n'y a que des voix. Remarqué Nanou, contrairement à toi. Donc il n'y a que des voix, et d'ailleurs le morceau a été composé avec des voix, hein, y a jamais eu d'autres instruments que ceux-ci. Et le long du disque, les instruments apparaissent dans les plages suivantes, et donc on se retrouve dans une ambiance. Voilà. Ouais. Et voilà, ça nous mène tout doucement vers quelque chose de beaucoup plus orchestral. Donc il y a eu deux albums, je crois, j'en suis même sûr, pour le label No Format. Là, c'est le second qu'on a entendu. Il s'appelle Bondeko. Et Bondeko, en Lingala, le Lingala, c'est une langue du Congo, ça signifie fraternité. Donc, c'est assez adapté quand même à ce qu'on vient d'entendre, et c'est aussi adapté à la vision que Laurent Bizot a de nos formats. Nos formats et a une préférence pour l'Afrique en général, c'est pareil, on le ressent lorsqu'on explore un petit peu sa discographie, et en particulier pour l'Afrique de l'Ouest. Et encore plus, peut-être, pour le Mali. Il y a d'ailleurs eu, un coffret de 4 albums qui était sorti sur le Mali, sur lequel on retrouve Baleke Sissoko qu'on a entendu tout à l'heure. Mais il ne faudrait pas croire non plus que nos formats se limitent à l'Afrique. Nos formats traversent les océans, notamment vers les Antilles, avec Mélissa Lavo, mais aussi vers le Brésil, comme on va l'entendre avec Lucas Santana. Alors Lucas Santana, on en parlera ensuite. Il caractérise bien cette volonté de nos formats d'explorer le monde entier. Allons-y avec Lucas. Allons-y. Quand la fera fere et mata alguém, só porque difere de gênero, tem algo enrustido, algo enrustido. Discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem. Faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Nous avons quitté l'Afrique, sans la quitter tout à fait. On a conservé cet esprit de créolisation, comme dit Laurent Bizot, qui est cher à nos formats, qu'on a retrouvé également dans Manger pour le cœur, hein, d'ailleurs, le morceau qui ouvrait la rubrique. Alors maintenant, on va un petit peu parler quand même de Lucas Santana, qui nous chante portugais, en brésilien, le morceau qu'on vient d'entendre. Lucas Santana, il vient de Salvador de Bahia. Alors c'est là aussi qu'on retrouve un peu l'Afrique, parce que Salvador de Bahia, c'est la capitale, si on veut, de la culture afro-brésilienne, dans le sens où c'est un port qui accueillait, sur lequel étaient débarqués, pour être plus exact, les esclaves venant d'Afrique de l'Ouest pour le Brésil. Et à Salvador, on a gardé l'état d'esprit, enfin non pas l'état d'esprit, mais l'héritage. On est fiers de cette culture afro-brésilienne qui a donné la capoeira qu'on connaît, qui vient de Salvador de Bahia. Et cette ville est attachée à cet héritage. Elle est attachée aussi aux luttes sociales, parce que ça va un peu de pair, et à l'esprit de justice et de liberté, comme Lucas Santana. Et le morceau qu'on vient d'entendre, c'est un morceau qui est sorti au moment où Jair Bolsonaro a pris le pouvoir. Donc vous imaginez bien que c'est un morceau plutôt rebelle. Il y avait des choses à dire. Plutôt, oui. Et en fait, le titre de la chanson, que je ne vais pas vous dire, parce que vraiment, en portugais, j'y arrive pas, quoi. C'est quelqu'un qui pourrait essayer s'il veut, mais moi, je n'y arrive pas trop. Ça veut dire « Personne ne lâche la main de personne ». C'est un appel à la solidarité, c'est un appel à la résistance. C'est une dénonciation de la politique sociale, écologique et répressive de Jair Bolsonaro. Et ça fait partie des missions de nos formats, si on veut. Cette mission, on la retrouve aussi avec un autre auteur qui s'appelle Blik Bassi, que je vous propose d'écouter maintenant dans Podol. Wom babi holos, babi pan babi kenge wo, babi tar babi tem lingen. Nyukini chelongi porol, nyukini chorol ni yomatai, nyukini sros longi porol. Sorrows, divi Lord, divi leave me yo, divi on, divi sem me yo, by divi pos, divi on, divi quiz me yo, divi Lord, divi sorrows, the yo. Alors voilà, on a retraversé l'Atlantique. Cette fois, on est au Cameroun. On a écouté cette chanson qui s'appelle Mpodol. Mpodol, c'est en langue bassa, ça signifie celui qui porte la parole des siens, le porte-parole en définitive. C'est le surnom qu'on donnait à Ruben Umniobé. Alors Ruben Umniobé, c'était une figure de la gauche lors de la lutte pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50. Et la particularité de l'histoire de Ruben Umniobé, c'est qu'il a été abattu par les troupes françaises en 58. Alors il y a un paradoxe, hein, si on veut, c'est un indépendantiste, il est mort, En 58, on donne l'indépendance en 60. Et pourtant, les gens qui vont prendre le pouvoir au Cameroun à ce moment-là vont demander qu'on taise ce nom de Oumniobé, jusqu'en 1991. On ne pourra pas le prononcer, on ne pourra jamais évoquer sa mémoire. Parce qu'en réalité, le pouvoir a été confié par la France à des gens qui étaient favorables à la France, et non pas à des gauchistes, aux forces de gauche du Cameroun. C'est comme Pinochet en Amérique latine, quoi. Voilà, c'est un petit, comment on appellerait ça, une sorte de pas un parachutage, on mais. On n'est plus d'Aliende, quoi. Enfin, si on parlait d'Aliende, voilà, c'est ça. Ceux qui en parlaient se faisaient zigouiller. Oui, c'est ça, c'est la même occultation de la mémoire. C'est la même chose, et dans le rôle des États-Unis, là, c'est la France. Alors, bon, on va revenir un petit peu à la musique, mais c'est quand même important parce que, en fait, ce disque du Blik Bassi, il est entièrement consacré à l'indépendance du Cameroun et entièrement consacré à Oumniobé. D'ailleurs, le disque s'appelle 1958, comme la date de l'assassinat de Oumniobé. Et voilà, c'est un peu la conclusion de cette rubrique concernant nos formats pour vous dire qu'on voyage, mais on voyage aussi d'une façon consciente à travers la musique. C'était super. Ouais, merci. Ben, merci beaucoup, Steph. Merci. Génial. Merci. Impeccable. Alors du coup, bah, on va bientôt se quitter, hein, puisqu'il est bientôt l'heure. Alors moi, je voulais juste revenir sur un événement de l'association là, qui va se dérouler le dimanche 23 mai durant la journée. Donc c'est de 10h à 18h. Bon, si du moins on a les autorisations, n'est-ce pas? Et donc, bah, comme la dernière, la dernière édition, donc il y a deux ans, parce que l'année dernière, ça a été annulé. Donc on a un marché d'artisans, de producteurs, d'associations locales. En journée, on aura aussi donc, des repas et la buvette qui sont servis à emporter, donc avec des produits locaux et ou biologiques. Et on aura donc un concert de nos amis du Flying Orchestra qui viennent sous une autre formule, s'appelle Hot Club de Boukravi. Donc on a eu le plaisir de les voir chez Narcisse, nous, il n'y a pas très longtemps, en d'autres circonstances. Mais du coup, voilà, donc ils seront là pour réjouir nos petites oreilles. Et après, bah, voilà, on verra en fonction de qu'est-ce qu'on a le droit ou pas. Est-ce qu'on pourra faire venir une petite conférence en plus? Est-ce qu'on pourra faire venir un petit spectacle? C'est un peu le mystère. Donc en tout cas, je vous invite tous à venir partager un beau moment avec nous le 23 mai, donc à Rochesson, évidemment, sur la place du village. Et puis voilà quoi, je crois que j'avais à peu près tout dit sur ce qui allait se passer. Et du coup, moi j'avais envie de passer une petite musique parce que les petites berceuses de Nanou des Pays de l'Est m'ont fait penser à une chanson que j'adore. Et je me suis dit que j'allais la passer. Tu fais ta petite dédicace, quoi, ton petit plaisir. Oui, mais c'est aussi, je m'étais dit que ça faisait une petite dédicace aussi à nos copines qui partaient en roulotte. Ah, voilà. Oui, une grosse pensée pour les petites roulottières. Voilà, alors c'est pour elles. Je vous laisse avec ça et puis bah, on finira là-dessus, je crois. Alors, je vous laisse écouter. Arikonamela, c'est Grito de Guerra. C'est extrait du film Vengo de Tony Gatliff, que j'aime beaucoup. C'est parti. Para mí, ¿quién será la mayor de mis riquezas? c'est clair. Et voilà, ça c'était le petit coup de cœur. On finit là-dessus. Donc on se donne rendez-vous le jeudi, je sais pas combien on sera, mais le deuxième jeudi du mois de juin, comme d'habitude, à 10h pour la nouvelle émission. Et puis voilà, quoi, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir. Tchou-tchou. Allo, à bisous. Et sans rancune, hein, les punks et les reggae-man. Oui, ils nous attendent en bas. Elle dit ça à nous, parce qu'elle a peur. Hein. C'est à des petites blagues. C'est juste une blague. Allez, à bientôt. À bientôt.